L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Découverte sur Radio Fudget de l'association Confiance Projet Emploi qui est basée à Essel-et-Nancy en compagnie de Guy Farah. Bonjour. Bonjour. Vous êtes volontaire service civique au sein de cette association et on va découvrir un peu ce que vous y faites. En quelques mots, comment vous pourriez définir l'association Confiance Projet Emploi ? L'association Confiance Projet et Emploi est une association qui accompagne les personnes dans leur recherche d'emploi. Depuis quand existe-t-elle cette association ? Cette association existe depuis 6 ans maintenant. Elle a été créée en 2015 par Radouane Mebarki. Et la présidente actuellement est Nadine Bertholum. Vous êtes en service civique au sein de cette association. Quelle est votre mission plus particulièrement ? Alors, j'ai plusieurs missions, mais elles ont été modifiées du coup à cause du Covid. Oui. Donc, normalement, j'aurais dû être en contact avec du public directement, assister à plusieurs événements, mais ça n'a pas pu se faire du coup. Mmh. Donc, j'ai dû m'adapter. J'ai plus fait de l'administratif. Donc, tout ce qui est répondre au téléphone, répondre aux mails. J'ai fait le lien entre les bénévoles et les bénéficiaires, les personnes qui demandaient un accompagnement, du coup. Et j'ai alimenté nos réseaux sociaux. Donc, oui, l'association Confiance Projet Emploi, donc, elle est basée à Essel-et-Nancy, elle s'adresse à quel type de public ? À tout type de public, tout âge, tout type de public. Comment se passe l'accompagnement ? Il y a un accompagnement collectif. Donc, il y a des ateliers collectifs où il y a plusieurs modules, donc 3 modules. Le module confiance, donc c'est des ateliers qui peuvent être animés par des bénévoles et du coup les personnes assistent à un atelier confiance, un atelier réalisation du projet et un atelier emploi, donc tout ce qui est l'organisation de la recherche d'emploi. Il y a aussi des entretiens individuels du coup. Donc c'est complémentaire, il y a des ateliers collectifs et entretiens individuels. Pour l'accompagnement de ces personnes, c'est des bénévoles qui s'en chargent ? Oui, oui, oui, c'est ça. Est-ce que vous avez besoin justement de bénévoles aujourd'hui ? Oui, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de bénévoles. Oui, on a besoin de bénévoles, tout service est bon à prendre. Donc, Voilà, avec des profils particuliers peut-être pour faire un accompagnement ? C'est pareil, Non, c'est pareil, on peut accueillir tout type de personnes qui ont envie un peu d'aider des personnes dans leur recherche d'emploi. C'est pareil, c'est tout type de personnes. D'accord, tout le monde est le bienvenu. Donc vous êtes basé à Essel-et-Nancy, comment on fait pour vous contacter ? Vous pouvez nous contacter via mon numéro de téléphone, du coup, au 07 71 08 77 96. Vous pouvez aussi me contacter par mail, contact@cpe54.fr. Mais vous pouvez aussi me contacter sur nos réseaux, parce que du coup, on est présent sur Facebook. Donc, vous tapez Confiance Projet Emploi. On est aussi présent sur Instagram. Donc, notre pseudo est cpe-54. Et on a aussi un site internet. Donc, vous tapez Confiance Projet Emploi et puis normalement, vous tombez sur notre page. Si vous êtes perdu dans vos recherches d'emploi et vous avez envie de retrouver confiance en vous, tout en ayant une oreille attentive, vous pouvez nous joindre au numéro que je vous ai donné ou au mail, par le mail. Donc, voilà. Plein de possibilités pour vous contacter, le téléphone, le mail, le site internet, les réseaux sociaux. On va retrouver aussi tout ça sur le site de la radio, en même temps que le podcast www.fudget.net. Vous aurez toutes les manières de vous contacter. Guy Farah, merci beaucoup pour cette présentation de l'association Confiance Projet Emploi. Avec plaisir. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.